C'est fou, ça. C'est là. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Alexandre Delage vient de faire sa chronique des Boulamites. Et on parle des sorties spectacles de la semaine avec Stéphanie Gagné à Assemblage Requis. Salut, lundi 25 octobre, bienvenue à Assemblage Requis. François-Olivier, t'allais dire quelque chose? Ben non. T'as dit bonjour aux gens? Même pas. Non? Même pas. T'es donc ben bête. Ben oui, bonjour et bienvenue en ce lundi matin. Plutôt sombre. Oui, car hein? Le soleil n'est pas levé encore. Tu lèves tard pas mal, le gars. Ça paraît qu'il n'y a pas une émission de radio à faire. Exactement. T'as passé une belle fin de semaine. J'ai passé une fin de semaine qui est passée relativement vite. Je suis un peu déçu. Dans le sens où deux jours, ce n'est pas assez. Non, c'est rarement assez. Vive les gens qui ont trois jours de fin de semaine. Trois, voire même quatre. Oh oui, quatre. T'en connais des gens qui ont quatre jours? Oui. Ben, il y a ceux qui font des erreurs. Des erreurs. Ben oui, ils se font sacrer dehors. C'est ceux qui ont sept jours par semaine. Non, mais des horaires comprimés, comme on appelle. Oui, oh, ils font des longues journées, ouais, mais après ouais. Ça, ils ont du temps pour eux. C'est bien ça. Exactement. Aujourd'hui à l'émission, on a Alexandre Delage qui vient nous présenter ses Boulamites comme à chaque deux semaines. Il nous présente, dans le fond, des vieilles pièces qui sortent comme ça là, de sa garde-robe. De sa discothèque oui. Personnelle. Oui. Est-ce que tu sais les artistes qui vont nous parler ben, cette semaine, aujourd'hui en fait? Je peux t'en parler, ça te tente. Ça te tente. J'aimerais ça. Juste de quoi le rapide. Pas tout en même temps, garde-nous une petite surprise. OK. Mais on veut quelque chose de croustillant. On va entendre, si je comprends bien, les artistes Talk Show et Army of Anyone. Ah, I don't know. Moi, je les connais pas non plus. Moi non plus. Ben, écoute, des fois, le nom nous dit rien, mais la pièce peut nous dire quelque chose. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ça va être aux alentours de... Ça, c'est vers les 8h. 8h du matin. Oui, ensuite, on a vers les 8h30 Stéphanie Gagné avec sa chronique Take Me Out. Elle nous parle des spectacles à venir en région et ailleurs. Take me out to the ball pas celle-là. Game. C'est... Non, c'est pas celle-là. Ça aurait été pas pire aussi. Oui, je le sais, on le dit à chaque semaine. Hein? Ouais, mais c'est pas celle-là qu'elle a choisi. Je vais lui dire encore. C'est son droit. Non. Alors, fais-tu des chroniques, des chansons au thème, toi? Oui. Ah oui? Ouais. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle chronique? Non, pas aujourd'hui. Je te prépare n'importe quelle chanson au thème ou j'en ai plein des chansons au thème. C'est quoi que t'as? Je sais pas, mais j'en ai plein. Et ouais. Mathieu Plante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est un fait. Comme à tous les jours, on vous présente des faits divers, des choses utiles ou inutiles à savoir, des choses que vous allez pouvoir partager avec vos collègues de travail et vos amis. Et glisser dans une conversation. Ça se glisse très bien. Oh oui, tout à fait. Telle une banane. Telle une banane. En quelque part. Au souper. Oh, comme un? Hein? Oui. Au souper. Au souper. On commence avec la musique de Bernard Adamus. On va aller entendre la question à 100$. Oui. Puis c'est à peu près ça. Une bonne pièce. Bernard Adamus que j'avais vu dans le cadre de la journée sans ma voiture qui avait lieu sur la rue Arthe à Trois-Rivières. Ah oui, au centre-ville. Oui. Bon, on l'écoute tout de suite. Assemblage requis. C'est bien tranquille, il se mène à soi. Du Claude à tank, du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire, t'es fouéré d'un saut fond, ça comme des vieilles sacoches. Du Claude en a bien pas. L'enfer du dollar, les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière sur le sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Du Claude appogne le téléphone, puis elle appelle son homme. Elle dit, c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va être long cette année, j'suis cassé, ben raide. Cherche tout bas du côté, tu bousques et un peu de blé. Lourd de mer, je m'en suis mêlé.

shot. I need a fix. I need to fix my ignition. Dada Rock, qui est la pièce fa-fa-fa, et vous avez compris que ça vient du refrain où ça dit fa-fa-fa. Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. C'est là qu'ils ont pris le titre, c'est pas pire. Hein? Oui. Bonne pièce. Oui. Oui. Vraiment. Sur leur album Dada Rock, Dada Rock. Dada Rock, Dada Rock. Oui, vous êtes à Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. François-Olivier Marchand, Mathieu Plante. Mathieu Plante. Mm-hmm. Faut pas l'oublier, hein. Ben, des fois, ce beau jeune homme. Fringant. Et tu me donnes bien. Oh, c'est pas le contraire. Pourquoi? Ben parce que c'est moi qui est fringant. Mais non, mais c'est parce que non. Quand deux personnes disent la même chose en même temps, ouais. C'est le premier qui dit « tu me donnes une bière ». Ah, ça, je savais pas ça. C'est comme un truc de concours de circonstances okay. Avec le qui vient avec la rapidité. Tout ça mélangé ensemble. Quand est-ce que je te crache dans la face? Quand ça tombe. OK. Donc, actualité? L'actualité. Hey, Mathieu, bon, j'aimerais ça si tu pouvais t'excuser, là. Je m'excuse. OK, merci. Non, mais tu me cracheras pas vraiment dans la face. Non, mais je l'ai pas fait. Quand je l'aurai fait, là, je m'excuserai. OK, c'est bon. Hey, écoute, je te parle des activités qui vont se passer ici même sur le campus de l'UQTR. Right here? Oui, effectivement. En fait, on commence ça avec le 27 octobre, ce qui nous amène mercredi. Oui. C'est l'accueil des... candidate à l'exercice de la profession infirmière, là, je parle au féminin, là, mais c'est, ça peut être infirmier aussi, de 30 ans et moins, demeurant en Mauricie, / centre du Québec. Et ça se déroule ici même au niveau de la chasse-galerie de l'UQTR à 17h. Et c'est gratuit, évidemment. Et puis, c'est le comité jeunesse régionale de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec qui organise une activité de bienvenue à la profession aux nouvelles infirmières et nouveaux infirmiers aussi, là, pour s'encourager ou en fait les gens à demeurer en région. La mission est gratuite et inclut une consommation gratuite ainsi qu'un léger goûter. Ooh. Donc ici même au bistrot, la chasse-galerie de l'UQTR. Le 28 octobre... Jeudi, oui. Ça, je pense que ça n'a pas besoin de présentation. C'est le Salon des vins des Patriotes. Activité fort populaire. Qui permet de financer en fait les Patriotes. Là. Donc c'est l'équipe de hockey les Patriotes de l'UQTR qui vous invite à son 19e Salon des vins. Oh. C'est ce jeudi le 28 octobre. 20$ le coût en pré-vente, 25$ à l'entrée. Ça inclut un verre et 10 coupons dégustation. Les billets sont en vente dans les succursales de la SAQ. Le comptoir d'accueil du CAPS de l'UQTR. Et ça, en fait, là, c'est vous avez la chance, quand vous allez là, vous avez la chance de goûter à des vins que vous ne vous payez pas souvent. Mm-hmm. Des vins qui valent un certain montant. Nous, on parle d'environ 100-150$ la bouteille. Donc, c'est quand même formidable. Et puis, ça vous permet aussi de déguster des plats qui sont concoctés par deux chefs issus de la région, dont un chef du Poivre Noir. Le restaurant. Oui, le restaurant Poivre Noir. Et l'autre du Carlito. Je pense que c'est sous forme d'une petite compétition, tout de même amicale, là, entre les deux chefs qui se relancent. Et donc, l'accord aussi avec mets et vins. Et puis, ça doit être ça peut être assez plaisant pour vous. Et ça n'est pas très cher. Et en plus, pour une bonne cause. Mmh. Donc, ça vaut la peine. Ça se déroule le jeudi, c'est ça, à partir de 16h30, ici même au CAPS de l'UQTR. Le 29 octobre, qui nous amène là. Lundi prochain. Non. Vendredi prochain. Oui, celui oui. Qui s'en vient. Si le 28, c'était jeudi, Mathieu. Oui, tout à fait. T'as bien raison. Donc, vendredi, le 29 octobre, une conférence de Eve Weekend de midi à 13h au local 1050 Pavillon Michel Sarrazin. On vous invite à venir assister à la conférence de Eve Weekend. Winkin, désolé pour la prononciation, professeur d'anthropologie de la communication à l'École normale supérieure de Lyon et professeur extraordinaire d'anthropologie urbaine à l'Université de Liège. Cette conférence est donnée dans le cadre du colloque d'automne de l'Association pour la recherche qualitative. Ok. Il y a beaucoup de mots assez beaucoup, longs là-dedans. Beaucoup c'est... de mots. Professeur qui vient quand même de loin. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'anthropologie. C'est vendredi. Vendredi le 29 au local 1050 Pavillon. Michel Sarrazin. De toute façon, on va en reparler d'ici cette date. Et puis voilà, je vous laisse comme ça. Je vous rappelle que, évidemment, dimanche, c'est l'Halloween. parce qu'on n'a pas besoin de le rappeler. C'est d'actualité, vraiment. Ça. Ben oui, certainement. Est-ce que Mathieu va se déguiser? Non, ben j'avais prévu, là, non? Non. Toi? Non, je pense pas. En fait, j'ai pas le temps. Non. J'ai pas le temps. Malgré que dimanche le 31, je m'en vais voir la lutte à Montréal. je vais faire un petit résumé lundi. Vas-tu mettre des faux pecs? Ça pourrait être ça ton costume? Ben j'en ai du. Ouais, ben c'est des faux pecs sans rajouter. Hein? On n'a pas besoin. Ben non, hein. Ben voyons donc, Mathieu. Ben voyons donc. Non, c'est ça. Mais pour l'Halloween, en fait, on rappelle aux jeunes d'être prudents, premièrement. Ouais. Hein? Porter des bandes de lumineuses sur vos vêtements. Oui. Puis faire attention, pas manger trop de bonbons. Ouais. Sinon, c'est le dentiste qui va être content. Ouais. Et puis, lame de rasoir, c'est... Hein? Lame de rasoir, ben, je sais pas hein, si... on sort sûrement qu'on pourrait trouver des histoires sur Internet à ce niveau-là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ça... Des... Moi, c'était pas des lames de rasoir, c'était des zip-points. Non, ouais. Ouais. C'est du monde qui a du temps à perdre. Hein? Oh, ouais, c'est vraiment. Traînez-vous un aimant, peut-être. Je sais pas, non? Un aimant. Pour voir si, non? Ah, oh, oui, c'est une bonne idée. Ah, oui. Ben, ok. Donc, c'est ça. C'est l'Halloween. Ça sera bien. C'est l'Halloween, c'est dimanche. Est-ce que Mathieu va passer l'Halloween, non? Non, même pas déguisé ni rien. Non, tu pensais que j'allais le passer. Donne pas de bonbons. Non. Rien de ça. Non, mais tu t'achètes-tu des bonbons? Ah, ça, par exemple, c'est le lendemain. C'est le 1er novembre. Ouais, lundi, là. C'est la journée. Ouais, faut aller dans les magasins. Et puis, si on veut des bonbons, c'est pas mal là que ça se passe. Et Colin, que oui. C'est pas cher. Mais non, c'est ça, c'est pas cher. Puis, ils sont encore bons, là. Ben oui, ben là. S'ils étaient bons le 31, ils sont sûrement bons le 1er. Non, mais des fois, les gens, tu sais. Ah, c'est un autre conseil que je pourrais donner aux gens. Achetez-en pas trop, parce que l'année passée, je l'ai acheté trop, puis à un moment donné, ça fait comme très longtemps que tes œufs, puis là, sont comme toutes fondues. Amène-les ici. Ah, j'avoue. Ah, c'est bon, ça. Ah, OK. Achetez-en trop, cette année. il est 7h32, vous êtes toujours à C'est fou 89 FM, la radio Campus de Trois-Rivières. On va aller entendre un petit peu de John Joy. John La Joie. De la joie, tu connais Mathieu? Oui, l'humoriste vidéoclip cocasse. Québécois, oui. Mais qui a beaucoup de succès au niveau des États-Unis. Il est worldwide international. Worldwide. Et c'est très drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Et je trouve ça quand même accrochant, ces beats. Tout à fait. C'est assez accrochant pour ceux qui ne comprennent pas les paroles, mais sinon, c'est plus drôle quand tu comprends les paroles. Oh non, mais l'idée. Puis en même temps, c'est très facile de comprendre les paroles. Ah ouais? Ben. Fait que ceux qui ne comprennent pas, tu es en train de les traiter d'épais. Non. Mais... Okay. C'est peut-être pas la situation idéale pour comprendre les paroles. Voici Everyday Normal Guy. Très, très drôle. Ah, c'est fou. I'm just a regular, everyday normal guy. Nothing special about me, motherfucker. I'm just a regular, everyday normal guy. When I go to the clubs, I wait in line, motherfucker. I'm just a regular, everyday normal guy. I got $600 in the bank, motherfucker. I'm just a regular, everyday normal guy. And my sexual performances are average. I work in customer service for a phone company. I make 12 bucks an hour, but that's all I need. I live in a small apartment on a quiet street. I don't go out too much, I like to watch TV. I can't afford a car, I use public transportation. I don't mind, I read till I reach my destination. Sometimes a newspaper, sometimes a book. The amount of money I save, this shit is off the hook. And I'm not very good with the women. I'm a pretty shy person and I'm average looking. Last time I had sex was in 2003. And I'm ashamed to admit, but it wasn't free. I'm just a regular, everyday normal guy. I get nervous in social situations, motherfucker. I'm just a regular, everyday normal guy. I get constipated once a month, motherfucker. I'm just a regular, everyday normal guy. And I make pretty good spaghetti sauce, motherfucker. I'm just a regular, everyday normal guy. And I get scared when I go see the dentist. I'm the Pauly Shore of everyday life. Easily forgettable. And I'm not

Ça coûte pas cher. Okay. Imagine, ouais. Mais non. Écoute, tu peux te déguiser. OK, vous prenez, j'en ai 15. T'en as 15? J'en ai 15 pour vous. Go for it. OK, 15 idées de costumes. Évidemment, ce qui peut être une bonne idée en ce moment, c'est de se costumer en étant un travailleur de BP. De BP à l'huile. Oui, c'est ça, exactement. Costume du travailleur de BP fait un malheur aux États-Unis, paraît-il, présentement. En fait, l'idée est fort simple, c'est de se couvrir d'une chienne, en fait, verte, mm-hmm. Avec de l'huile, et puis peut-être avoir un poisson mort dans les mains. Et puis, donc, ça peut être une très bonne idée. Deuxième idée, un mineur chilien, évidemment. Oh. Ça aussi, c'est relativement simple. Mm-hmm. Noircir la peau, ses vêtements. Perdre beaucoup de poids. Hein? Perdre beaucoup de poids. Parce que t'as mangé oui, comme c'est rien. Ça. Mais idéalement, OK? Là, je parle, mettons, une gang de gars là, qui veulent, ils se déguisent tout. Ça en prend 32. Ben oui. Ça en prend 32. Et puis, voilà. Vous avez droit à un tiers de verre de lait à chaque deux jours, je pense. Fait que traînez-vous un petit gobelet. Oui, c'est ça. Ben, cotiser pour la bière. On n'a pas d'argent, on est dans une mine. Donne-moi une bière. Mais ça peut être une très bonne idée, en fait. Ouais. Donc, il était 32 au total. Hein. Et puis, c'est pas des déguisements, en fait, qui sont durs à faire aussi. Troisième idée, Tiger Woods, évidemment. Ah, là, ça commence à être vieux, là. Oui, mais avec ce qui est arrivé, en fait, cette année. C'est là, encore ça peut... populaire? Ouais. Je trouve que c'est un petit peu vieux. Après ça, bon... La blague est finie, je trouve. Désolé, Mathieu Plante. Ouais. Après ça, si je te parle du jeu, je basse t'arrache. Ah oui? Est-ce que c'est vieux jeu, ça aussi? Ouais, ben je suis tellement au courant que je pourrais même pas dire de quoi il y a l'air, tu sais. C'est plate, hein? Peu de rembourrage sous un habit, quelques post-it dans un dossier, visage maquillé de rouge. Et le tour est joué en costume très économique en 7 ans dur. Donc le juge Bastara, ça peut être une très bonne idée. Mais tu sais, c'est des personnes en fait que on pense pas. Et puis c'est dans l'actualité, mais on pense tout simplement pas. Sinon, vous pourriez y aller avec ceux qui font l'actualité, genre Denis Lévesque, François Paradis. Très beau costume, ça. Oui, mais Denis Lévesque, ça non plus, c'est pas nouveau. Avec le bye-bye, là. Ouais. Tu l'avais maquillé, pis tout. Ouais. Après ça, une autre idée. Un syndiqué, l'encarté du Journal de Montréal. Ah, OK. Ça, c'est ça, tu fais quoi, ça? Ça peut être bien, mais... Ça ressemble un peu au mineur chilien. Non, mais ben, oui, mais tu sais, en fait, t'imprimes quelques, mettons, les exemples du journal... ben, pas du journal. De ruefrontac.com. Ouais. Tu dénigres le Journal de Montréal. En fait, c'est relativement simple, mais ça peut être des bonnes idées. Tu sais. Ouais. Ça fait changement. Ça me rappelle, Crime, que je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient pas au courant de ce qui se passe au Journal de Montréal. Sérieux. Je croise des gens, ils me disent, Crime, parce que sur Facebook, il y a une page genre arrêtons de lire le Journal de Montréal à partir de telle date jusqu'à la fin du conflit. Okay. Je me suis mis fan de ça, j'aime ça. Nanana. Et là, je me fais dire par un ami que je croise hier, pourquoi tu as fait ça? C'est une joke? Pourquoi? C'est quoi, t'aimes pas le Journal de Montréal? Je fais comme non, mais il y a une grosse controverse de lockout, tout le monde va perdre leur job. Ah ouais, ah ben, je sais pas ça. Mais c'est sûr que si tu renseignes avec juste le Journal de Montréal puis TVA, ils t'en parleront pas. Hein, ouais. Comme les dames qui avaient parlé, tout le monde en parle. Je sais pas si tu l'avais vu. Non. C'est ça, en fait, effectivement. Mais c'est ce qu'ils disaient. Si les personnes s'informent juste avec le Journal de Montréal, ils écoutent les nouvelles à TVA, ils savent pas ce qui se passe là, au niveau de... Sur Canoë, ils vont prendre la nouvelle sur Internet sur Canoë. Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Donc, c'est surprenant. Ouais. Et puis, sincèrement, je suis pas sûr que ça va se régler un jour, ce lockout. Même un jour? Dans le passé, tu sais, je suis pas un historien, loin de là, mais sur Wikipédia, je lisais qu'il y a beaucoup de journaux montréalais ou québécois qui ont fermé à la longue après quelques temps de lockout ou de grève. Écoute, ça se pourrait. Là. Ben, le Journal de Montréal ne fermera pas. Non. Ça ne peut pas fermer. Ils vont tout le temps choisir leurs petites affaires à l'intérieur de agence QMI. Et... Ça ne peut pas fermer. J'ai vu dans le Journal de Montréal même que c'était le journal le plus populaire, je pense, en français. Bref, comparaissait ça avec La Presse, là, ce truc-là. C'est pour la publicité, ce truc-là. Mm-hmm. Et puis, non, c'est sûr que le Journal de Montréal ne peut pas fermer. Par contre, ce qui peut leur faire mal, c'est Rue Frontenac qui va sortir une version papier. À savoir où est-ce qu'il va être distribué, par qui, par quoi. Mais sachez-le très bien, le Journal de Montréal, Québécois, a les reins extrêmement solides. Donc, et ça va être très dur. OK, je continue pour mes déguisements de Noël. Oui, de Noël, bien sûr. Hey, je dis n'importe quoi. Hein? Le déguisement d'Halloween. En fait, sixième idée, on pourrait se déguiser en Nouveau-Colisée de Québec. Un peu compliqué, là, mais Ça prend du budget, ça. Ben, faut être créatif. C'est sûr qu'il faut solliciter le privé. On l'a pointé. Ouais, ouais, ouais, ça va. Et puis, un logo de Québécois, peut-être jumelé à celui des Nordiques. Peut, très bien faire l'affaire. Septième position, Justin Bieber. Hein? Ouais, c'est perruque, là, puis. Ouais, ouais, ouais. Fond de teint. C'est réservé pour les enfants à peu près 8 et 12 ans. Ouais, c'est ça. Huitième, iPad. Mathieu aimerait ça. Ah, Colin. Hein? Ben oui. C'est beaucoup de travail, mais ouais. Vous seriez peut-être le seul dans le bar. Il y a tout cas plus désagréable que quand tu te déguises dans quelque chose et puis tu en vois trois dans la même soirée. Ouais. Neuvième, le frère André. Le frère André. Maintenant, le saint, là. Ben oui. Saint-André. Donc, ça peut être une bonne idée. Tout à fait. Oui. Si on continue... Claude Dubois et Christian Miller, la réalité. Dubois là. En réalité. Ouais, ouais, ouais. Et puis, une autre idée, Lady Gaga avec sa robe de viande. Ça, oui. C'est un peu dégueu, là. Ouais, un peu dégueu. Hey, hein, au bout de la soirée, tu dois être inconfortable. Il va en avoir, mais ça va sentir mauvais. Oui, et puis après ça, on pourrait se déguiser en siège du Conseil de sécurité de l'ONU. Ah. Que le Canada a perdu sa place. Et puis après ça, 13e, évidemment, le bonhomme carnaval, je vous apprendrai rien, ça. Bref, c'est pas, c'est vraiment pas une nouveauté. 14e position, Anne-Marie Lozic, la pulpeuse Anne-Marie Lozic. Uh-huh. Ça peut être une bonne idée. Des fois, je pense que les gars s'en plaideraient pas. Non. Bref. Dépendant qui le fait. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et puis, Yaroslav Halak. Tu sais, on y pense plus, mais ben, avec un petit habit, là, des Blues de Saint-Louis, là. Uh-huh. Qui a un bâton, et puis. On pourrait avoir la ville à nos pieds. Mm-hmm. Comme il l'a fait si bien dans le temps. J'imagine. Hein? Tu sais, c'est qui? Hein? Non, pas toi. Non, c'était Mathieu, t'es en fait. C'est l'ancien gardien des Canadiens qui a été changé aux Blues de Saint-Louis. Ça a fait une controverse dans le sens que des partisans l'aimaient beaucoup, auraient aimé qu'il reste à Montréal, bref. Donc, c'est un genre de bowling, c'est ça? Non. Ouais. C'est proche. Better luck next time. Better luck next time. Je sais que je suis bilingue. C'est très, très bilingue. Ah oui, oui, ça coule partout. Surtout à ce temps-là. Oui, oui. Donc, voilà des idées pour s'accostumer. Ça peut être... Hein? Merci, François. Ça fait changement. C'est quoi... toi, tu t'es déguisé. C'est quoi le pire déguisement que t'as porté? Une abeille, je pense. Pour vrai? Ouais. Mais c'est pas pire déguisement. Non. Non? Sûr. Ben, un ours, excusez-moi. Ben, c'est pas si pire que ça. T'es pas si... C'est lointain. Je voulais me déguiser en Scott Pilgrim cette année. Ah ouais? Moi. Puis non? Puis ma blonde en Ramona Flowers. Ça a été... Et il y a eu des jeux de rôle là-dedans? Oui, tout le monde l'aurait catché, je suis sûr. Et ta barbotte, moi, ouais, je suis sûr, moi aussi. Ça a été beau, par exemple. Ouais, ouais. Bon. Sinon, évidemment, tu peux te déguiser en je sais pas quoi, là. Écoute, réserve-nous une surprise pour lundi. En François-Olivier Marchand? Oui. Ah, je pourrais me déguiser en DG, en directeur général. Oui. Oui. Ta blonde, ça pourrait être la secrétaire. Oh, sexy. Secrétaire sexy, j'aime ça. Soudainement, là. Et puis, écoute, après ça, laisse-toi aller. Oui, c'est ça. Fais ce que vous voulez. Mais je veux pas savoir. Pas trop de détails. Non. Pas trop de détails. Non, non, non. Tout à l'heure, on va voir la chronique Sortie des boulamites d'Alexandre Delage. Il va nous présenter des vieux succès sortis de son tiroir à balai. Parce qu'on met des balais dans un tiroir maintenant de nos jours. Les balais sont plus petits qu'avant, sont rétractables. Mais pour l'instant, on écoute une pièce de Beast. Voici City. Sur C'est fou, 89 FM. Au Assemblage Rocky qui est présenté par le service aux étudiants et par la Banque nationale. Oui, tout à fait. City called heaven. I decided to try to make it my home. Qui est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Oh, je connais bien le parcours, c'est comme si je l'avais dessiné. J'ai pris le temps pour ralentir la fin du compte. Qu'on veut continuer de croire, j'ai cru que j'allais échapper à mon destin bien annoncé. Saper le métronome, saper pour la défier. À la pièce Métronome, assemblage requis sur le palmarès francophone de C'est fou. Et c'est la fin de la première heure d'émission. Il y en a une deuxième tantôt, toujours avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Oui. J'ai hâte de t'apprendre quelque chose. Ben non, certainement. Écoute, plus tard dans l'émission, je vais vous parler d'un site internet qui m'a fait beaucoup sursauter ce matin. Un site internet, c'est comme un site web, c'est comme une affaire sur l'online. Là. Ouais. C'est en plein ça sur le www, man. Ça va être débile, ça, man. Ça va être fou. Alors, reste avec nous. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées avec Frontsou et Numéro Show et Mathieu Plum. Bonjour à vous. 8h02, toujours à Assemblage requis. Quelle belle heure. Ben pourquoi pas. Cette heure est particulièrement séduisante. Oui, tout à fait. Et ça, même si le soleil se tarde à se montrer le nez. Oui, il est pas vite vite en matin. Non. On dirait qu'il est comme peut-être, il est peut-être raqué un peu. Là. Ouais. Je le comprends. Dure fin de semaine. Ben oui. Il a fait beau en fin de semaine. Ouais. Tu trouves? Ben, il a pas plu. Non, c'est vrai, il a pas plu, mais il faisait froid. Oui, mais c'est. Écoute, il faut. Faut s'attendre à ça, là. La neige s'en vient. J'ai-tu entendu dire qu'il faisait comme qu'il allait faire 15 degrés cette semaine à un moment donné? Oui, écoute, je pense que c'est demain. Demain, mais ça, en fait, là, c'est profitez-en, mais en même temps, je suis sûr qu'il va mouiller. Mais. Il va faire chaud. Ouais, ça, c'est. Exactement. Okay. On peut pas t'avoir, hein? Non. Chose à la fois. Hey, Mathieu. Oui. Est-ce que je peux te. Ah non, je vais garder ça pour cet effet. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est un fait? Et... Ok, tu m'intrigues encore. Qui est plutôt attrayant. Ah ouais? Et moi, ça me fait capoter. Wow! Tout ça, tantôt. Ben, je trippe, là. Je trippe, je jubile. Ah non, c'était carrément pour rien. C'est-tu ce qui me fait tripper aussi? Live comme ça, oui, mais ça ne dit pas radio. Ok, ouais. tu fais bien de pas en parler. Voici Alex de la GC Boulamite. J'étais parti sur une... What the hell is going on? C'était pas malade, ça. C'était pas ma meilleure shot à vie, ça, je trouve. Sacrifice, non. Même ben bon. Me classer ça même dans les pires. C'était médiocre à mort. Et... OK, wow. En tout cas... Écoute, ça arrive, hein. Tu veux-tu en parler? Non, vraiment pas. Okay. On va faire comme si de rien n'était parce que ça a l'air plus comme si le dos d'un canard dans une poêle. Vas-y. C'est la tweet. Vas-y. Cette semaine au Boulamite, les Stone Temple Pilots, plus précisément les projets des frères DeLeos durant les années où les Stone Temple Pilots n'ont pas existé. Les Stones se sont séparés autour du milieu des années 90, puis pendant ce temps-là, les frères DeLeos ont créé un autre groupe qui s'appelle Talk Show. Ils avaient sorti un vidéoclip pour la pièce Hello Hello à l'époque. Ça a été un flop commercial. Et puis après ça, ils se sont dit « Bah, ben pourquoi pas reformer les Stones finalement? » Les Stones se sont reformés pendant une couple d'années et puis se sont reséparés dans le début des années 2000. Et puis, les frères DeLeos ont décidé de créer un autre groupe, Army of Anyone, cette fois-ci avec Richard Patrick comme chanteur du groupe bien connu, Filter. Le groupe a connu un échec commercial retentissant et puis il s'est rien vraiment passé depuis ce temps-là avec ce groupe-là. Et puis, les Stone Temple Pilots se sont reformés en 2008. Ils sortent un nouvel album cette année. On va entendre deux pièces des deux side projects. Dans le fond, on va entendre la pièce Hello Hello de Talk Show, mais ça va débuter avec Army of Anyone. La pièce Hello Hello de Talk Show à Assemblage Requis, c'était dans le bloc Boulamite d'Alex Delage. On le retrouve dans deux semaines, c'est tous les lundis aux deux semaines. Aux deux semaines. Ici à Assemblage Requis, vers les 8 heures. Et lundi prochain, la semaine prochaine, on reçoit Audrey Tremblay qui va nous venir nous parler de la nouvelle parution du Zone Campus. Oui, ils se font la bascule. La bascule. Bing, bong, badaboum, badabing. Ils ont du plaisir. C'est ça. Sinon, ben, vous pouvez retrouver Alex Delage à son émission Les Lutins de l'Enfer, c'est les vendredis soirs à partir de 21h. Ici même, assez fou. Fait qu'on lui dit merci, puis on envoie cette musique parce qu'elle est fun. J'ai feinté de dire quelque chose. T'as failli chanter, hein? J'ai failli. Ça a passé proche. Comme tant pis, mais Maxime m'a déconcentré. Ouais, c'est ça. Il serait pas très très content que tu joues sa chanson à mauvais escient. Exactement. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Tantôt, on va parler de faits divers et de faits utiles à savoir dans la chronique C'est un fait. Oui. Mais pour l'instant, on écoute Chantal Archambault. Voici Cavale. Assez fou. 89 FM. D'avoir des ailes, transforme-moi en mouche à feu pour que dans le noir tu puisses me voir un peu. Chambaud avec Cavale. On l'avait en entrevue à l'édition de cette semaine des Palmarès C'est fou. Ça s'est très bien déroulé, je pense. Oui, je pense que bien des gens sont tombés en amour avec elle lors de l'entrevue. Incluant l'animateur. Non, ben, je parle de... Pour la première fois, honnêtement, c'est vrai. Pas la première fois. En tout cas, en général, c'était rare que ça arrivait, là. J'ai reçu des commentaires par rapport à l'entrevue disant, waouh, Krim, j'ai appris à découvrir cet artiste-là à cause de sa présence au palmarès. C'est fou. Donc, voilà, c'est le fun. Chantal Archambault. Ah, c'est très cool, moi. Sur ça par courriel? Facebook. L'album s'appelle La Romance des couteaux. C'est un assemblage requis. Maintenant, on va parler de choses que vous voulez savoir. C'est comme vous avez le droit de savoir. T'sais, on va se dire les vraies affaires. On veut savoir, puis on veut savoir tout de suite. Ah, ben OK, d'abord. Ouais. Tout de suite, c'est-tu correct? Ou si, mettons, dans 5 secondes, ce serait aussi correct, mettons? Non, tout de suite. OK. C'est la chronique, c'est un fait. On parle de choses véridiques, véritables et vérifiables dans la plupart des cas, selon les différents internets. Commençons par des équipes de sport. Je vais dire des équipes, ça va me dire c'est quel sport. Okay? Les Pittsburgh Steelers et les Philadelphia Eagles. Football. Évidemment. Donc, ils se sont formés à un moment donné pour former les Steagles en 1943, ça va être ça? Les Steagles? Les Steagles. T'es sérieux? Oui, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que beaucoup de joueurs ont été appelés... Ils sont partis à la guerre. À la guerre, exactement. Donc, les Pittsburgh Steelers et les Philadelphia Eagles se sont combinés. Officiellement, ils étaient toujours les Eagles, donc c'est vraiment les Eagles, le nom de l'équipe, mais les Steagles sont restés comme surnom. Et les livres de la NFL à cette époque-là réfèrent à l'équipe en tant que Phil Pitt. Donc, Phil... pour Philadelphia, puis Pitt pour Pittsburgh, et on s'entend là-dessus. Voilà, donc, les informations sont sur l'article d'assemblagerequis.com. T'as sûrement vu, peut-être, dans des invitations, je sais pas si t'as vu à la télé ou dans des films, sur des cartons, disons, pour un mariage, ça disait RSVP. Oui. T'as déjà vu ça? Tu te demandais c'était quoi, hein? C'est pour réservation, s'il vous plaît, non? C'est répondez, s'il vous plaît. Répondez. T'étais proche, quand même. C'est la phrase en français qu'on dit en anglais RSVP. C'est ça. C'est pas là. Oui. Savais-tu ce que voulait dire le E dans eBay? Electronic. Ah, tout le monde aurait pensé ça, c'est ce que je pensais aussi. Non, c'est pas electronic, c'est Echo. Parce que Pierre Omidyar a originellement nommé la compagnie Echo Bay Technology. Malheureusement, quand c'était le moment d'enregistrer le nom de domaine echobay.com, il a vu que c'était déjà utilisé, donc le site a raccourci son adresse pour devenir eBay.com, eBay.com, et le reste fait partie de l'histoire. Echo. Echo. Echo, Echo. Ça va pas en tout. Ben non, mais c'est ça. Mais il faut bien qu'il y en ait une fois de temps en temps que tu connais pas. Ben oui. C'est un peu le but de la chronique. J'espère que vous autres, vous pouvez vous en vanter, que vous en connaissez certains de ces faits-là. Par exemple, peut-être que vous saviez déjà que Lady Gaga, son single à succès Téléphone, a originalement été écrit pour Britney Spears. Vous savez ça? Ah non. C'est vrai. Britney a même enregistré un démo de cette chanson-là, mais a refusé de le sortir. Je trouvais ça trop poche, peut-être, je sais pas. Elle aurait eu raison, là. Mais bon. Continuons avec... on va revenir, c'est comme un callback à une de tes chroniques de la semaine passée. Tu te rappelles le gars qui avait gagné à la loterie deux fois en Israël? Ouais. Ouais. La loterie là-bas en Israël, on le rappelle, a sorti deux fois les 6 mêmes numéros qu'il y a 3 semaines. Quoi? T'es pas sérieux, là? Oui, je sais, mais c'est parce que le fait est après ça, là. OK. Hein? Okay. On peut-tu me laisser parler? Okay. Ben oui. Voir que je dirais le même fait que toi, puis je le dirais avant, je rappelle, il y a une passée. Tu me prends-tu pour un effet? Non, mais c'est parce que la personne n'a pas gagné deux fois le même montant. Non, c'est les numéros. J'ai dit la loterie, semaine passée en Israël, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est parce que j'avais parlé d'un fait aussi qui avait déjà gagné... Excuse-moi. C'est pas grave. C'était pas exactement le même fait. C'était comme, j'ai comme combien de faits? C'est comme les Steagles. Les Steagles. OK. Reprenons donc la loterie israélienne a sorti les 6 mêmes numéros qu'il y a 3 semaines. Les chances que ça arrive étaient de 1 sur 4 trillions. 1 sur 4 trillions. Mmh. Bon, c'était juste ça le fait, finalement. C'était pas super intéressant. Une seule. OK. Savais-tu que la ville la plus dangereuse d'Amérique est Camden au New Jersey? Camden? Pas Calm Down. Il pourrait se dire entre eux Calm Down. Camden. C-A-M-D-E-N. C'est ça. C'est la ville la plus dangereuse? La plus dangereuse aux États-Unis, en Amérique. En fait. En 2009, il y a eu 2333 crimes violents par 100 000 personnes. Si on compare ça à la moyenne nationale, c'est 455 crimes violents par 100 000 personnes. Il y a une liste complète de villes dangereuses disponible sur l'article d'assemblagerequis.com. Savais-tu que toi et les autres gens, en moyenne, on avale 580 fois par jour? Ben non, je sais pas. 580, c'est beaucoup. Non? Oui. Trop pas? Oui. Sais-tu que la plus grosse barre de chocolat au monde pesait 9702 livres? Quel sacrifice. Elle a été fabriquée cette année en Arménie. Disons, mettons, à peu près. C'est à peu près ça, Arménie. Et elle mesure 224 pouces de long par 110 pouces de large par 10 pouces d'épais. Et elle sera même servie au public. Il y a des photos sur le site du Washington Post. J'ai mis le lien, évidemment, sur assemblagerequis.com. 224 pouces par 110 pouces par 10 pouces. Eh hey boy! Eh hey boy! Ça en fait du chocolat. Tu dis tout? Hein? On va y aller avec quelques petits derniers faits, comme ça, en rafale. Un homme a 311 records Guinness depuis le début de sa vie. C'est beaucoup. Le savais-tu, cet non, homme-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Ashrita Furman, il en a fait plein. Il y a 56 ans, Ashrita Furman de New York, qui a 311 records depuis 1979, et en tient toujours, donc en a toujours ceux qui sont actifs, qui sont encore seulement à lui, là, qui est encore le propriétaire de ce record-là. C'est-tu clair? 123. Non. qu'il a encore. Mm-hmm. Son premier record était pour le plus de Jumping Jack, 27 000. En a fait 20. Jumping jack, là, c'est quand comme on saute là, les bras sur le côté, on lève dans les airs, c'est avec ça. Les jambes qui s'écartent en même temps. Oui, à peu près. C'est à peu près ça. Comme dans Major Pain. Ah ouais, oui, il fait ça? Oh, oui, c'est un film ça. D'armée, ça? Ouais. Ça? Ouais. Avec, oui, tu l'as-tu vu? Steve Martin, non, je sais pas. C'est qui joue là-dedans? Je sais pas. Les noms d'artistes, d'acteurs, j'ai beaucoup de difficultés. Mais je me rappelle que Bam Bam Bigelow, un ancien lutteur. Toi puis la lutte. Hein. Ouais, exact. Uh-huh. Depuis, c'est Jumpin' Jack. Il a choisi d'établir ses records à des endroits historiques. Par exemple, le fastest mile on a kangaroo ball, donc le mile le plus rapide sur un ballon kangourou, je ne pourrais même pas vous dire ce que c'est. Il a exécuté ça au Grand Mur de Chine. Et jumped rope on a pogo stick, donc faire la corde à danser sur un bâton pogo, le plus de fois à l'intérieur d'une même minute à Angkor Wat au Cambodge. Si vous cherchez sur Google juste son nom, Ashrita Furman, probablement bonne chance pour l'appellation. Mais vous allez trouver plein d'images et puis là, on vous suggère de regarder chaque image et deviner le record rigolo qu'il exécute à ce moment-là. OK. C'est vrai que c'est ça. Et que oui. Ouais, ça peut le rendre heureux. Ben, tout pourquoi à fait. Pas? Ben, il y a des gens qui doivent se rendre célèbres d'une façon ou d'une autre. Ben oui, j'avoue ben que oui. C'est pas la méthode la plus difficile. Non. Faut que tu t'entraînes un peu, mais quand même, c'est pas... Faut que tu t'entraînes, faut que tu veuilles savoir qu'est-ce qui est battable aussi. Oui, c'est exact. Parce qu'il y en a beaucoup de records. Tout à fait. Puis tu sais, c'est pas comme s'il battait des records comme genre faire pousser les ongles les plus longs du monde. Là, ça prendrait du temps. Ça, c'est un peu dégueu. J'avais vu ça un moment donné. C'est assez dégueulasse. Ouais. En effet. Ouais. OK, on ouais. a... il nous en reste un. Allons-y avec un. Ça te tente-tu, juste un? Okay. Ça veut dire que les Jelly Beans à saveur de bleuet ont été développés pour l'inauguration du président Ronald Reagan. Tu sais, les jelly beans, c'est les petits jujubes, ah ouais, là. Bon, oui, tout le monde connaît ça. Apparemment, c'est pas bon, par exemple. Mais oui, c'est bon. Arrête-moi ça, j'adore ça, je t'ai perçu. Ça, c'est bon. Je suis pas un grand mangeur de bonbons non plus. Là. Non. J'aime bien le sucré, le chocolat, ce truc-là, là, mais tu sais, bonbons. À part, mettons, Starburst, Skittles. C'est bon, les Starburst aussi. Ouais. Mm-hmm. Skittles. Donc, apparemment, le président Ronald Reagan avait arrêté de fumer la pipe et à la place a commencé à manger des jelly beans, des petits bonbons, jujubes, à la gelée. Quelle meilleure façon de célébrer l'inauguration d'un nouveau président que avec des jelly beans bleu, blanc, rouge. Et c'est ce que la compagnie derrière les jelly beans a fabriqué. Ils ont fait des bleus et puis, ben, c'était au bleuet. Puis c'était pour le président Reagan. Ouais. Est-ce que l'histoire dit s'il a recommencé à fumer la pipe? Non, ça dit pas. Non. Pas grave. Ben non. Je sais pas si tu mets feu à des jelly beans, si ça doit pas sentir bon. Non, ouais. Ça doit mort. C'est pas une bonne idée. Faites-le pas. Okay. Faites-le pas. Hey, Mathieu, c'est terminé pour toi? Oui, ça va. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir fini. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoute, comme je l'avais dit précédemment dans l'émission, je vais te parler d'un fait de... qui est maintenant arrivé sur les tablettes, si on peut dire. Même si c'est pas des tablettes, on pourrait dire... Ça rentre pas sur une tablette du tout. Non, c'est ça, exactement. C'est Jeep qui a annoncé le 19 octobre dernier la commercialisation d'une édition spéciale de son modèle Wrangler 2011. Wow! Et c'est aux couleurs de... Tu devineras jamais. Non, j'essaierai même pas, en fait. Le Call of Duty! Oui, effectivement, le jeu vidéo... aux couleurs de Black Ops qui va sortir le 9 novembre prochain. Ils ont sorti une édition limitée avec des équipements spéciaux qui se retrouvent un peu dans le jeu vidéo. En effet, le véhicule sera équipé de pneus 32 pouces très offensifs. Pas 32 pouces. Très offensifs, mais 32 pouces, c'est énorme. C'est énorme. C'est deux fois les deux fois 16 roues, pouces. Ouais, sur mon auto. C'est ça. Même que je pense que j'ai du 15 pouces. 16 pouces, c'est plus long qu'un sous-marin, mettons. Fait que, imagine. Tabarouette. Hein? C'est pratiquement pas loin de 3 sous-marins, regardez. Miam. Et le Jeep aussi arborera un design militaire sur le toit, le châssis avant et les feux arrière. Donc, on parle d'un prix US, évidemment, de 30 000 $ pour le modèle 2 portes et de 33 500 pour le modèle 4 portes. Wow, j'en veux. Caroline. J'ai pas les moyens. Non, c'est ça. Non. Tu allais qu'il n'y a pas assez de trucs, puis tu sais que c'était pas assez comme dans. Mais, puis en fait, c'est pas super éco-énergétique, un Jeep. Sachez-le, donc. Merci de nous apprendre ça. Oui, mais en fait, je suis pas sûr que j'aurais les moyens juste de mettre l'essence dedans. Donc, Mais beau Jeep, beau gadget pour les fans invétérés qui ont beaucoup d'argent ou qui pensent probablement. Ben, tu sais, quelqu'un qui pensait peut-être acheter un Jeep. Ouais, ben oui. Le gars est fan, mais pourquoi pas, garde-toi. Tout à fait. Je suis sûr que ça va se revendre à merveille. Ça, oui. Si le jeu vieillit bien. Ou s'il y a plein de bugs. Hein, je sais pas, il me semble que c'est le genre de jeu qui va vieillir bien. Ah oui, je pense que oui. Je vais t'en reparler le 10. Ouais, parce qu'il sort le 9, Black Ops, hein, c'est ça? Même jour que la sortie du DVD et Blu-ray de Scott Pilgrim, le film. Moi, le 9, là, Mathieu, là, je vais être malade. Ouais, moi aussi, je pense. Il n'y aura pas d'émission. Non. Ça sert à rien, une émission de radio. Rien. Hey. Ça sortirait n'importe quand, ça. Faut mettre ses priorités à bonne place. C'est un quel jour, ça, le 9 novembre? Le mardi. Mardi. Tout sort le mardi. Ah, c'est vrai. Donc, on va l'entendre une pièce de Scott Pilgrim pour te faire plaisir. On écoute donc la formation Sex Bob-Om dans le film avec Summertime. Sur ses... Puis après ça, on parle avec Stéphanie Gagné pour sa chronique Take Me Out. Est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. 8h34, Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées, en compagnie de France, Olivier Marchand et de Mathieu Plante. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, je suis content que tu me présentes comme ça. Moi aussi. Les requins, est-ce qu'ils vont bien? Oui. Tu voulais pas former une chorale d'enfants? Comme... Oui, OK. Ça n'a pas les requins, est-ce que vous allez bien? Oui. On aurait dit un chat. Ils ont l'air mourants, je trouve. Ouais, non, c'est pas le fun. Pas malade. On arrête ça. Ouais, voici Take Me Out de Stéphanie Gagné. Take me out! Stéphanie Gagné! C'était quoi ça? Je sais pas. Ouais. Des fois, il me passe des tripes. Je pensais qu'il faisait des signes de bras comme des Jumping Jack Flash, là, comme ouais. Whoopi Goldberg. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Comme Rockin' Nun. Ragman, c'est bon ce film-là. Ah oui, ouais, oui. Ça. Mais Rock'n'Nun 2, l'as-tu vu? Je sais pas, mais les deux sont tout le temps moins bons que le premier. Là. Ouais, c'est ça. À part peut-être Rambo. Rambo? Mais ça, c'est personnel. On parle à Stéphanie Gagné, oui. Spécialiste de films tel Rambo. Tellement pas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Stéphanie Gagné, est-ce que tu suis les séries mondiales au baseball? Non. Non? J'écoute juste le hockey. Take me out to the ball game. Ah, franchement. Ok. Il ramène tout le temps ça. Il veut qu'on change ta chanson thème pour la chanson du baseball. Mais tu sais, on pourrait alterner. Take me out to the ball game. Ah, okay. Ça pourrait être. On pourrait vraiment combiner les deux chansons comme Take me out to the ball game. Ah! Non. Non, ok. Parce que ça n'a aucun rapport avec les sports, ma chronique. Hein? Non, ben non. Okay. Malheureusement pour François. C'est ça. Mais heureusement pour moi, parce que moi, ça m'intéresse pas mal plus. Hein? Sortie spectacle, donc. Oui, donc cette semaine, ce soir, il y a Madame Moustache qui va être au Quai des Brumes. Ah, cool, c'est bon ça. J'aime ça, moi, Madame Moustache. J'allais mentionner juste pour toi, parce que moi, j'aime pas ça, c'est personnellement. C'est pas tout le monde, ouais. C'est, ça laisse c'est très, particulier. Très... ouais. Ouais. Les opinions sont partagées, disons-le. Assez. Ensuite de ça, le 28, il va y avoir Amélie en région au Centre des Arts de Shawinigan. Le lendemain, toujours en région, ça va être Vincent Vallière qui va être au... Vince Val, wow! Oui, au Centre des Arts de Shawi. Et Shawi? Wow! On va l'avoir en entrevue. Ah! Ah ouais, pour vrai? Wow, j'ai vraiment hâte. Ah, il est cool. Vincent, on l'avait reçu l'année passée ou l'autre d'avant? On est en... Non, mais toi, sûrement. Ah, oui. Ok, ouais. Sûrement, je m'en rappelle pas. Ouais. Je me rappelle, ouais. Oui, je pense que t'as raison. Oh, ouais, je ouais. pense que t'as raison, c'est oh, vrai. Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est loin dans mon passé, je me rappelle même plus. T'es une bonne et belle personne. Oui. Ce Vincent Vallière, justement, ben ouais, on a cédé, pas loin. On en fera jouer. Ouais. T'as ben ouais. Ah. Hein? Ensuite de ça, okay. Le 29 aussi, Angus et Julia Stone qui vont être au National. Le lendemain, ils vont être du côté de Québec au Cercle. Et toujours le 30, c'est vraiment une grosse soirée pour les spectacles. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Tricot Machine qui va être à la microbrasserie à l'affût, donc en région. Bernard Adamus qui va être au Moulin Michel. Hein? Moulin Michel, François? Oui, tantôt, mais... Tantôt, t'avais l'air à aimer le Moulin Michel. Bernard Adamus, on a fait jouer tantôt. Hein? Ça fait... François, le fendant, là, ça va faire. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fendant, là. Je suis pas fendant? Oui. Mais non, pourquoi? Oui. On a fait jouer, ça? On a fait jouer en début d'émission. Ben oui, on est bon. Ça suffit, les garçons. On arrête. Bon. On se calme. Je veux continuer ma chronique, s'il vous plaît. Okay. Malheureusement, continue. J'aime me recoucher. Madame veut finir sa chronique. Finis-la au plus vite. C'est pas vrai. Stéphanie, vas-y. Yeah, je me suis retenue. We Are Wolves qui vont être au Trou du Diable du côté de Shawinigan. Le Roi Poisson qui vont être au Zenob. Et finalement, le spectacle que je vais aller voir cette semaine, Matt and Kim qui vont être au National. J'ai tellement hâte. Oh. En plus, ils sortent un nouvel album la semaine prochaine, là. Ah oui. Ça va être très, très cool. Ça va être ton plat favori la semaine prochaine, j'imagine? Probablement. À moins que le spectacle soit vraiment décevant, là, mais ça serait surprenant, oui. Ouais. Absolument. On va aller écouter ça, justement, Matt and Kim. D'accord. Avec la première chanson que j'ai découvert, c'est la pièce Daylight de leur album Grand. Assemblage requis, ça c'est fou. Maybe I'll paint them myself. These sidewalks slick with limestone. C'était Daylight de Matt and Kim qui vont être en spectacle le 30 du côté de Montréal au National. Dieu merci, c'est fini. Mange la colle. C'est pas vrai, c'est bon. C'est tellement bon. Oh, ouais. Déplaisant. Non, c'était bon. C'était agréable. C'était vraiment bonne humeur comme chanson. C'était agréable à l'oreille. Oui, dans nos oreilles. Dans nos trous d'oreilles. C'était bon. Hein? Fait que c'était la chronique Take Me Out de Stéphanie Gagné sur cette note-là très, très positive, je trouve. Oui. Oui. Ah oui, tout à fait. Il nous reste, laquelle t'as choisi, là? Ah. Hey, moi, je jouerais la 6. Okay, vous autres, vous avez commencé à faire... On va s'aimer encore de Vincent Vallière, que je l'ai vu en prestation à Musique Plus. C'était très bon. Fort sympathique. Il a toujours le sourire, toujours le mot pour rire aussi. Donc, ben, c'est fascinant, tout ça. Ben, OK. Donc, on va aller entendre quelle pièce? La 6e. Mm-hmm. Et elle se nomme? Vas-y, Stéphanie. On va s'aimer encore. Bon, parle-moi de ça. Merci, Stéphanie. Merci Mathieu. Pour ta chronique Take Me Out. Je trouve qu'elle était particulièrement délicieuse. Tel un plat pour emporter. Demain, le plat favori. Tel un sous-marin pour emporter. Take Me Out, c'est comme un plat pour emporter aussi, comme Take Out. Comme... Quand on verra dans le miroir nos faces ridées pleines d'histoires. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. On aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups. Au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. S'aimer encore. Complètement démodé. quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenues de la poussière d'étoiles, on va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore au bout du doute, au bout de la route. Au-delà de la mort, on va s'aimer. Vincent Vallière, avec la pièce « On va s'aimer encore », ça m'a donné le goût d'aller le revoir en spectacle. Vendredi au niveau de Shawinigan. Oui. Et. Ouais. Peut-être pas. Avec JP Dalpé, t'as déjà vu ce spectacle-là quand même. Oh, oui, oui, c'est ça, exactement. Mais. Tu peux pas te tanner, en fait, là, de le voir. Non. Tu tripes dessus, hein. Ouais. Ouais. Je trouve beau. Je trouve beau. Moi, je tripe. Vas-y. Non, vas-y. Non, non, non, non. Hey, toi, tu tripes quoi, Mathieu? Moi, je tripe sur essayer des nouveaux disques une fois de temps en temps pour voir si ça pourrait pas coller, peut-être faire partie du palmarès de C'est fou. OK. Et c'est ce qu'on appelle le bloc le poste d'écoute. J'aime bien la passe de batterie dans cette intro-là, direct. C'est pour ça que je veux me rendre jusque-là. Attends. Je pourrais embarquer tellement plus tôt. Donc, le bloc poste d'écoute, c'est là où on découvre des albums. Comme ça, en les faisant jouer, on fait jouer souvent les pièces qu'ils nous suggèrent, des fois, tu sais, de même. À la place de choisir nous-mêmes et avoir à se forcer, tu sais. Hein? Pourquoi pas? On va écouter aujourd'hui un album, en fait, que Stéphanie a reconnu de par sa pochette, parce que la pochette est particulièrement caractéristique. L'album sort demain. Dessus, on peut trouver un gars avec des genres de fausses lunettes en arc-en-ciel peinturées sur ses yeux. C'est l'album de Diamond Rings. Il s'appelle Special Affection. C'est le premier album complet d'artiste indie-pop torontois John O'Regan. Comme je disais, disponible en magasin demain, mais aujourd'hui sur iTunes. Donc, si vous voulez procurer, ben oui. Exclusivité iTunes. Tout à fait. Sur les autres portails Internet sûrement aussi. Rappelle-nous le nom. La formation s'appelle Diamond Rings. OK. Ouais. En fait, la personne, parce que ça a l'air pas mal John O'Regan. Je vais pas été voir s'il y avait d'autres membres dans le groupe. On va se renseigner sur le MySpace pendant la pièce. MySpace.com/DiamondRings ou encore DiamondRingsMusic.com. Il nous suggère de commencer par la pièce All Your Songs. Donc, la voici à l'instant dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. poste d'écoute. Bonne pièce, je trouve. Something else. Ben oui, de l'album Special Affections. C'était notre poste d'écoute de la journée. Et puis, vous pouvez le retrouver sur myspace.com/BigDiamondRings. Cet artiste-là qui sort son premier album solo, c'est des pièces qui viennent d'avant quand même, parce qu'il y a un vidéoclip de Wait and See qui date de février. Et puis, il y a eu en décembre 2009 le vidéoclip pour All Your Songs, qui est la chanson d'avant, qui avait créé controverse sur YouTube parce qu'il y avait Sony UK qui avait demandé à YouTube d'enlever la vidéo parce que il y a eu une confusion entre Diamond Rings, l'artiste qu'on vient d'entendre, et la pièce Diamond Rings de Chipmunk, qui est un rappeur au Royaume-Uni. Ok, ok, ils ont mélangé ça et puis ça... Ça s'est fini. Et voilà, ben ça s'est bien fini par une excuse de la part de Sony, comme de quoi que... Voilà. C'est super bon, j'aime bien. Diamond Rings, l'album Special Affections. Retrouvez le lien vers, vers leur, le site au assemblagerequis.com, comme toujours. Très bon site, soit dit en passant, Mathieu. Tu fais de l'excellent travail. T'es ben trop fin, toi, avec moi. Ben trop, je trouve. Tu devrais te poser des questions, mon ami. Ouais, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mardi, entre 7h et 9h. Qu'est-ce qu'on a demain? Demain, grosse journée, on reçoit Maxime Lemieux-Laramé. Oui. On reçoit aussi Stéphanie Gagné. Yeah. Saint-Lambrise 2. Voilà. On reçoit... C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ben oui, Émilie n'est pas là demain. C'est vrai. Sûrement pas. C'est la relâche ici même à l'UQTR cette semaine. Donc, oui, on a même ça pas. Que... On n'a pas parlé. Hein? Non, non, c'est ça, on n'a même pas abordé le sujet. C'est pour ça que cette semaine, vous allez avoir du stationnement ici même à l'UQTR. Oh, oh, oh. Donc, le seul point positif. Mais sinon, on va perdre peut-être c'est ça, une couple de chroniqueurs cette semaine. Mais sachez que ils seront de retour la semaine prochaine. Oui, restez avec nous sur nos ondes. À 11h, il y a le Dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Puis plus tard, en journée, il y a les Bitraves hurlantes à 16h. Le Voyage insolite à 19h. Entre les deux, il y a La Voix est libre. On oublie de le mentionner une fois de temps en temps. Oui, ben oui, certainement. C'est pas sur le site web, ça. La Voix est libre. Ça commence à 18h. Faut pas que j'aille régler ça, je pense. Ouais. Bon, donc soyez-y, puis on se quitte avec une pièce des frères Goyette. Un extrait de la pièce La balle est dans mon camp. Oui, très bonne pièce. Puis passe une belle journée, François. À vous aussi, Mathieu Plante. On s'en va demain? Oui, demain. Même heure, même poste. Même heure? 7h. 7h. T'es sûr que c'est obligé d'être à 7h à tous les jours, mettons? Pas chouette. Ah oui. Pas chouette. Mais toi, t'es mieux de sortir un peu avant chez vous. Ouais. Bye. Salut. Gun sur la tente, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur tête, leur remet mon maigre butin. Une mince pile de vin. Essuyez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse. Je fus dans la mire. J'ai pensé près de venir la une dans la gazette. Je pars vite vite sur la gâchette. Je ferme la chope mais la barre.